Oui. Bonsoir, Samy, vous allez bien? Oui. Vous êtes seul ce soir, n'est-ce pas? Oui. Non, tu ne raccrocheras pas, salope. Écoute-moi bien jusqu'au bout, sinon tu en paieras le prix. Oui. Je te vois, Céline. Je suis juste à côté de toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vincent! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'entendre des voix dans ma tête. Il est 3 heures du matin, Vincent. Je pourrais pas dormir. Il faut que je me lève. En profite pas pour monter sur le lit, Vincent. On a dit que c'est moi qui dormais sur le lit et toi par terre. Oh, y avait une voix, quelqu'un qui appelait une personne Céline, un truc comme ça, par le téléphone, je crois. Mais comment? Comment t'aurais pu l'entendre si c'était au téléphone? Peut-être grâce au téléphone portable que j'ai dans la tête. Rappelle-toi, Rebecca, lorsque le docteur Bottomy m'a opéré, il m'a laissé un téléphone portable dans la tête. Ah oui, c'est vrai. Un bref instant d'inattention, comme il dit, une petite erreur médicale. Bon, j'aimerais bien dormir, moi. On verra ça demain au réveil, hein? Il y a eu un crime, Reb, j'en suis sûr. Il y en aura un autre si je peux pas dormir. Oh, très bien, très bien. Mais je vais pas dormir tranquille. Moi, oui. Alors tu la fermes. Je contacterai Larynx Géant demain. Ou non, j'irai voir avec Robbie. Larynx Géant ou Robbie? Les deux, peut-être. Vincent? Oui? Dors! Mais comment dormir quand il y a un meurtrier à Bitbourg? Comment? Elle s'appelait Céline. Céline? Dion, Céline Dion. C'était une des truies les plus prometteuses du Périsan, plus prometteuse encore que Lara Fabian. Lara Fabian? C'est la truie qui a gagné le prix de Miss Bitbourg 2000 et qui a été sauvagement enlevée par des touristes japonais pour alimenter un réseau de prostitution en Corée du Sud ou pour en faire une potiche dans une émission de TF1. Oui, si vous voulez. Et le Périsan, il est au courant qu'on est dans son champ en ce moment? Non, il est parti en ville, mais j'ai prévenu sa femme. C'est elle qui m'a dit que Céline avait été retrouvée morte, ici, avec son fiancé, Pascal Bataille. Son fiancé? Oui, Pascal Bataille était un gros porc, le plus gros, de 100 kilos. Mazette, il était bien lourd. Oui, autant que je m'en souvienne, à Bitbourg, on a toujours dit que Pascal Bataille était lourd. Enfin, ils ont été éventrés et ligotés. Par qui? Je ne peux pas encore le dire. Ouais. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura sûrement d'autres meurtres. Un tueur en série à Bitbourg, ce n'est pas très groovy, ça. Un tueur en série n'a jamais été groovy, Robbie. Jamais. Si on prévient la police maintenant, elle ne nous croira pas. Alors je vais mener ma propre enquête. Si tu peux me donner un coup de main, ce serait chouette de ta part. Je suis journaliste, Vincent. Je peux vous aider mieux que quiconque. Ouais, très bien. Il doit y avoir un indice dans le coin. Cherche. Moi, je vais me renseigner en ville auprès de quelques amis. Mais, chercher un indice par terre? Bah oui. À moins que tu trouves un indice volant, et encore. Ça m'étonnerait que le tueur ait laissé un avion en stationnement dans le coin. Mais c'est dégueulasse par terre, c'est une porcherie. La vie, Robbie, la vie est une porcherie. Bon, je te laisse. Mais Vincent, Vincent, je dois animer une émission, moi. J'ai un travail, je suis adulé de tout Bitbourg. Ah, c'est grave par terre. Monsieur le maire, pourrais-je vous parler un instant d'un sujet assez sérieux? Oui, attendez, je finis juste la page de mon livre et je suis à vous. Mais Mickey, ce n'était pas un aviron, non dingo, c'était juste un aviron, que tu es bête, page 70, Mickey Prade. Non, Prade. Voilà monsieur son conseil municipal, je suis à vous. Qui a-t-il pour votre aide? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez me le dire? Une main, votre main. Non, ce qu'il y a dans ma main, qu'est-ce que je tiens dans la main? Une feuille. Mais je sais bien que c'est une feuille, monsieur le maire. Mais alors pourquoi vous me posez toutes ces questions? Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est que cette feuille? Ça me semble être une facture de téléphone. Et vous avez lu le montant de la facture? Tenez, lisez. Ah. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai fait des blagues téléphoniques, c'est tout. Si on n'a plus le droit de s'amuser, même quand on est au pouvoir, alors c'est plus drôle. Dois-je vous rappeler, monsieur le maire, qu'il n'y a guère longtemps, un ridicule parti féministe a failli élire un Tupperware à votre place ? Oh, ça, non seulement c'est un coup bas, mais en plus, ce sera dans quelques épisodes. Des blagues téléphoniques ? Vous n'êtes pas possible, monsieur le maire. Mais quel âge avez-vous donc pour faire des blagues téléphoniques à votre âge ? Ce ne sont pas des questions que l'on pose à une femme, monsieur son conseil. Vous êtes un homme. Mais, alors je n'ai pas besoin de me maquiller ? Mais parce que vous êtes maquillé ? Ah, oui, je vous voyais mal en contre-jour. Non, vous n'avez vraiment pas besoin de vous maquiller. Surtout comme ça. Mais avec qui j'ai bien pu coucher l'autre nuit, alors ? Votre vie privée ne m'intéresse pas outre mesure, monsieur le maire. Je venais juste vous demander des explications sur la facture téléphonique. Maintenant que je connais les raisons d'un tel montant, je vous dis de ne pas recommencer. C'est très vilain. Ce n'était qu'un jeu. Certains jeux, monsieur le maire, vous emmènent en prison. Comme le Monopoly ? Ou comme des choses très vilaines, si vous voyez ce que je veux dire. Oh ça ! Oh, oh d'accord. Oh, oh, j'ai bien compris, monsieur son conseil. Bon, très bien. Je vous ai apporté votre planning d'aujourd'hui. Et... Oh non, mon Dieu, non, non, non ! Ah ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi criez-vous ainsi ? J'avais oublié de surnivier vos horaires ! Alors je suis retourné dans mon bureau pour le faire. Et vous avez besoin de crier ? Non mais j'avais très peur, monsieur le maire. Bon alors si je comprends bien, il faut se mettre au travail. Mais pourquoi on est hystérique comme ça ? Pourquoi criez-vous, monsieur le maire ? Il y a une coupure de courant, monsieur son conseil ! Nous sommes plongés dans le noir et... Nous sommes en plein jour, monsieur le maire. Oui, c'est vrai. Bon. Je vous mets à la radio, monsieur le maire, pour que vous ne vous ennuyez pas en travaillant. Bon, très bien, oui. Un peu de musique. Ça va me calmer, très bien. Oui, de la musique. J'ai eu votre message, Vincent. Vous cherchez des indices concernant le meurtre de Céline Dion et son fiancé Pascal Bataille. Oui. Le cochon et la truie du Périson. Bien. Qu'en pensez-vous, Vincent ? Cela me révulse. Tu as une truie ainsi, je suis certain que le meurtrier appelle ses victimes avant de... Quoi ? Non, non, rien. Un lapin qui s'est enfui juste devant moi, il m'a surpris, j'ai eu peur. Et vous vous êtes pissé dessus ? Non. Mais alors d'où vient cette odeur ? Je crois que vous vous cachez derrière l'arbre sur lequel doivent uriner de temps en temps quelques chasseurs. Vous ne devez pas voir mon visage, je dois rester caché. Je tiendrai. Je comprends, Larynx. Pourquoi me donner rendez-vous dans la forêt ? Vous pensez que certaines personnes sont au courant que je mène une lutte acharnée contre les conspirations qui ébranlent Bitbourg ? Non, je me suis rendu compte que le parking, ça me faisait peur. Je trouvais ça malsain. Ici, c'est le grand air. Mais il y a des animaux sauvages ici, pas dans les parkings. Ah bon ? Je croyais que... Larynx ? Larynx ? Non, pas ça ! Larynx, mais que se passe-t-il ? Il y a un chasseur qui a fait caca au pied de l'arbre. J'en ai plein les chaussures. Je préfère finalement me cacher derrière un pilier de parking souterrain plutôt qu'un arbre en pleine forêt. J'ai cru un instant que le tueur avait de nouveau frappé. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'il téléphone toujours avant de tuer ses victimes et que ça ne pouvait pas être l'assassin. Vous vous êtes dit tout ça en quelques secondes ? Je suis très intelligent. Alors, quelles informations pouvez-vous me donner ? Eh bien, c'est un meurtre. Je sais, mais y a-t-il quelque chose qui pourrait me mettre sur une piste ? Demandez à Carole, il saura. Carole ? Mais qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, lui ? Il sait des choses, il sait... le passé. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Maintenant, si vous pouvez me donner un peu d'argent, parce que je suis un peu à court en ce moment, et... Ouais, tenez. Stop ! Vous risquez de me voir, tendez bien le bras, voilà, voilà, comme ça. Merci bien, Dieu vous le rendra. Il va falloir parce qu'il commence à avoir une sacrée ardoise. BFM. Et oui, c'est Roby, l'animateur vedette de BFM, qui vous parle à nouveau dans le Mikey. Hey, hey, hey, yeah! Je vous prie d'excuser mon absence de ce matin, car j'avais des grandes choses à faire comme d'habitude, mais je suis de retour pour la plus grande joie de vos oreilles. Nous sommes dimanche, et comme tous les dimanches, il y a la messe, et dans le cadre de cette célébration de Dieu dans la Sainte Église communale de Bitbourg, qui appartient à l'évêché de son Seigneur l'évêque Lébréché, tout en Hey, l'Église, n'est-ce pas? Comme je disais, dans le cadre de cette célébration de Dieu, nous recevons comme tous les dimanches la Bémolcy. Salut les jeunes! La paix soit sur vous! Gloire à l'Église! Et à son Seigneur Jésus. Jésus est votre ami, Jésus est votre pote. Jésus, s'il était sur terre, eh bien, il boirait des coups avec vous. Je vous avais dit, la semaine dernière, que le diocèse avait en tête de sortir un album consacré aux différentes Ave Maria. Eh bien, c'est vrai, je le redis. Car Dieu est grand, et dans son infinie bonté, il a daigné donner aux hommes la possibilité de s'enregistrer lorsqu'ils chantent pour qu'ils se réécoutent ensuite et s'extasient devant la beauté des chants de Dieu. Amen. Et comme tous les dimanches où je viens vous apporter un peu de lumière divine dans votre station de radio BBFM, je vous propose de venir vous confesser en direct. D'ailleurs, je crois que nous avons un appel. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je suis la mort. Et Dieu est la vie, mon enfant, confesse-toi en toute quiétude. J'ai péché, monsieur l'abbé. Je n'ai pas fait correctement mon travail. Ce n'est pas grave, trois patères et une terrine suffiront à Dieu pour te pardonner. Car Dieu te pardonne, toi le jeune. Dieu pardonne toutes tes bêtises, même quand tu pisses sur ma voiture, ou que tu rayes ma belle peinture verte, que même les anges y pourraient pas en faire de si belles. Oui, oui, le jeune, toutes tes conneries visant à attaquer la Sainte Église ne déstabiliseront jamais Jésus, car Jésus est un surhomme. Même Superman à côté, c'est du pipi de chat. Hein, tu ne marches pas sur l'eau, toi, le jeune, hein, hein. Toi, tu coules, le jeune, tu coules et tu te noies. Alors que Jésus, lui, oui, Jésus, il marche sur l'eau et sans chaussures waterproof, hein. Hein ? Connard de jeune ! Si vous croyez que c'est Dieu qui va payer les réparations sur ma bagnole, où avez-vous qu'il avait un compte en banque, hein ? Il ne roule pas sur l'or, Jésus. Vous avez vu comment il se fringue ? Moi, j'ai mon loyer, ma voiture à payer. C'est cher pour un seul homme. J'en voulais ! Non, non, non, tu ne veux rien ! Tu ne veux rien du tout ! Calmez-vous, monsieur l'abbé, je vous en prie. Mais excusez-moi. Toi ? Le jeune, je te remercie, tu peux repartir dans la lumière de Dieu. Non, raccroche pas. Où je vais en voir, le jeune. C'était bien là qu'il fallait appuyer pour raccrocher ? Oui, c'était là, mais... Ah ! Oh mon Dieu ! Ah, ça fait mal, merde ! Je suis désolé, je ne voulais vraiment pas. Vous m'avez renversé toute votre tasse de café sur les genoux. Voulez-vous que je passe un petit disque ? Oui, faites, excusez-nous, on se retrouve tout de suite après ça. Putain, ça brûle. Bonjour, Peter Brushing, toute coupe, tout cheveux, prend aussi les enfants. Qu'est-ce que je vous fais comme coupe, hein ? Je voudrais raccourcir un peu mes mèches. Ah oui, vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que je suis moche, c'est ça ? Mais mademoiselle Rebecca, oh non, je... Parce que si c'est comme ça, toi, t'as une tête de cul. Vous avez mal dormi ? Oui, assez, oui. Très bien. Bon, asseyez-vous là. Mais qui vous coupait les cheveux avant que vous veniez à Bitbourg ? Un jardinier ? Mais je... Ah ! Je viens de me voir dans la glace. Et c'est la première fois, ça doit faire un choc, hein ? Oui, je ne pensais pas être si belle. Bon, on s'y met ? Peter, je vous aime bien, mais... De là à aller plus loin ? Mais non, oh, qu'elle est pas fine, celle-là. Je veux dire, je vous les coupe, les mèches ? Oui, allez-y. Où sont passés mes ciseaux ? Ils sont là. Vincent ? Rebecca, je ne m'étais pas trompé, il y a bien un tueur à Bitbourg. Oh ! Un tueur à Bitbourg ? Oui, rincorre-re ! Mais votre ami est un Allemand ? Non, c'est juste quand il s'énerve, il rajoute des R partout. Peter, que faites-vous avec cette paire de ciseaux dans la main ? Lâchez ça tout de suite ! Mais je m'apprêtais à couper votre ami ! Lâchez ce couteau, Peter ! Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ça ne vous servira à rien de couper Rebecca. Elle est déjà pas bien grand. Tu peux voir Bruchel, le gros marbre. Le gros qui ? C'est un coiffeur, Vincent. C'est normal qu'il coupe les cheveux des gens. C'est donc tout aussi normal qu'il ait une paire de ciseaux dans les mains. Et comment ça, je suis pas grande ? Quoi ? Le coiffeur de Sandrine Bonner ? Autant que je m'en souvienne, Sandrine Bonner n'est jamais venue à Bitbourg. Mais j'ai déjà coiffé Bernard Ménez. Respire. J'ai dit le coiffeur sanguinaire. Peter Brushing, si j'étais policier, je vous arrêterais. Mais bon, je suis pas policier. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vous empêcher de commettre un meurtre ? T'avais pas dit que le meurtrier appelait toujours sa victime avant ? Si, mais... Peter ne m'a jamais appelé. Mais alors qui ? Je vais peut-être répondre, hein. Non, Peter, non. Éloignez-vous de ce téléphone. Ah, oh, mais il est complètement fou, celui-là. Qu'est-ce qu'il croit ? Que le téléphone va me sauter à la gorge ? Oh, je me Je me suis retourné à un angle en voulant décrocher le téléphone. Et je compatissais. Ouais, bah moi j'ai eu vraiment peur, hein. J'ai pas honte de l'avouer. Ne décrochez pas, Peter. Allô ? Je suis la mort. Je raccroche. J'ai réussi à capter l'appel, Rebecca, grâce au téléphone portable que j'ai dans la tête. J'ai peur, Vincent, j'ai eu tellement peur que j'ai oublié de crier. Calmez-vous, Peter, ne soyez pas hystérique. Bonjour. Vous me faites peur à crier comme ça. Dérangerais-je ? Que faites-vous ici, monsieur le maire ? Je venais me faire couper les cheveux. J'ai rendez-vous, vous vous souvenez ? Ah oui, c'est vrai. Ben, et moi ? Calmez-vous, je vous prends tout de suite. Peter, quoi que vous fassiez avec Rebecca, faites-le avec son consentement. Alors je vais devoir attendre. Au fait, je ne peux rien faire avec vous deux. Je ne suis pas une femme. Pardon ? Je comprends plus rien. Et le tueur, qu'est-ce qu'on fait du tueur ? Un tueur ? À Bitbourg ? Bon, qu'est-ce que je coupe ? Mais qui a été tué ? Une truie. Maman ! Votre mère est une truie ? Non, je criais maman pour changer des... La police est-elle prévenue ? Je n'ai guère confiance en la police depuis vous savez quoi. Une truie ! Mon Dieu ! Quel est le misérable qui... Et un gros cochon aussi qui est mort, Pascal Bataille. Un bon gros cochon bien lourd. Pascal ? Mon Dieu ! Autant je m'en souvienne, à Bitbourg, on a toujours trouvé Pascal Bataille bien lourd. Mais de là à le tuer... Bon, Rebecca, fais bien attention à toi, je dois faire un tour chez Carole. Peter, je suis désolé de vous avoir soupçonné. Je vais mettre la radio pour occuper monsieur le maire en attendant, puis je vais refaire une beauté à votre ami. Ça veut dire quoi, ça ? Que je suis moche ? Parce que si c'est ça que ça veut dire, toi t'as une tête de cul. La joyeuse goutte, bonjour. Bonjour, Carole. Tu me reconnais, je suis la mort. Qui êtes-vous ? Allons-y, mange, tu te souviens pas de moi ? Bah, autant que je m'en souvienne... Non. C'est bête, je suis pas loin de chez toi, tu sais. Et tu n'as pas de client pour le moment. Bah, on est dimanche après-midi, ça devrait pas tarder. Oui, mais je serai toi. Je ferai attention. Bon, si c'est une blague, je raccroche, hein. Non, raccroche pas, salopard. Merde, raccroche pas, sinon tu regretteras, salaud. Ça y est, je t'ai raccroché au nez. Non, Carole, ce n'est que moi, Vincent. Vous m'avez fait peur. Ah, désolé. Une bière ? Bah, un pastis, ça suffira. Avec anis ou sans eau ? Bah, un pastis, quoi. Ah oui, mais faut savoir, soit je vous mets de l'anis, soit je vous mets de l'eau. Mais Oh, et puis merde, que de l'anis, hein. J'ai pas le temps de discuter et... Quoi ? Elle fait combien de litres, votre bouteille de pastis ? 18. C'est énorme. C'est ce que dit la femme de 03 40 52 85 90, 8 rue des Jardiniers, à son mari. Carole, j'ai réussi à capter votre liaison téléphonique. Ah, ça, c'était une blague. Ah non, c'était un tueur. Ah non, un tueur, ça, c'est pas drôle. La blague téléphonique qu'on vous a faite non plus. Ça dépend du style d'humour des gens. Ouais, mais quand on dit « je suis la mort », c'est moins drôle que quand on dit, par exemple, quand on dit « je suis lassé ». Je comprends pas, c'est pas drôle, ça. Parce que vous croyez que vous êtes drôle, vous ? Moi, c'est pas possible, ça, on comprend jamais rien à vos blagues, là. Bah, autant que je m'en souvienne, on m'a toujours trouvé drôle à Bitbourg. D'ailleurs, il y a pas longtemps, tenez, votre pastis. Vous n'avez pas reconnu la voix ? La voix de celui qui se prétend la mort ? Bah non, je suis pas comme le 04 50 50 68 80 9 rue des Jardinettes Fleurs. Oh putain, je comprends pas. C'est quoi ce bruit ? Je sais pas, peut-être un rat. Un rat dans votre bar, Carole ? Et vous trouvez ça normal ? Bah, autant que je m'en souvienne... Ah, avec vos rangs couvraines ! On a qu'à faire deux groupes et puis aller voir. Comme ça, s'il y a un tueur, il en tuera d'abord un avant de tuer l'autre. J'ai vraiment du mal à suivre votre raisonnement, parfois. Non, vraiment, Carole, là, j'ai du mal. Allons-y. Ah, il est fort, votre pastis ! Bah, évidemment, il n'y a pas d'eau. Bon, vous avez fini votre verre ? On va peut-être pouvoir y aller, non ? Parce que, somme toute, ce bruit au fond du bar, dans l'obscurité, ça me fout les chocottes, et ça m'intrigue. Allons-y. Oh la vache ! C'est peut-être ce personnage inquiétant et mystérieux qui se fait appeler la mort et qui a tué Céline Dion et Pascal Bataille. Pascal Bataille ? Le gros porc bien lourd ? Ouais. Vous allez à gauche et moi à droite. Mais vous êtes déjà à gauche. Je vois pas pourquoi on devrait changer de place. Oh, ces gens de la ville, ils sont pas croyables, hein. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Non, ça vient d'en haut. Si c'est un rat, il doit beaucoup manger. Venez, prenons l'escalier. Non, passez devant, vous êtes plus épais que moi. La raison voudrait que ce soit vous qui passiez devant, parce que si je tombe, je vous écrase. passez devant. Bon, mais n'en profitez pas, hein. On arrive à l'étage, non? Du calme, je suis pas comme le 0350. Désolé, j'ai pas compris, je parle pas allemand. Ah, ça vient de votre chambre, je crois. Bon, on ouvre à trois. Ça va être difficile. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on est que deux. Bon, ouvrez. Ah! Oui, je sais, Peter m'a raté. Mais qu'est-ce que tu fais là, Reb? Comment t'as... Enfin, je veux dire, comment? Je suis rentré par la porte et je suis monté. On ne vous a pas vu? Oui, mais j'ai fait super vite. Vous avez vu? Il devait être pressé de coiffer le maire, Peter Brushing, parce que là, c'est pas les mèches qu'il a raccourcies. C'est votre nez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que j'ai le nez trop long? Que je suis moche? Parce que c'est ce que vous voulez dire, vous avez une tête de cul! Oh, du calme, ma petite, on n'est pas au 04 80 80 90 99 ici, vous m'avez bien compris. Non. Non. Ça vient d'en bas. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un essayait de nous dire quelque chose, mais quoi? Vite, descendons. Nous sommes déjà en bas. Mazette, nous sommes rapides, autant que je m'en souvienne, on n'a jamais descendu un escalier si vite à Bitbourg, même en tombant. Regardez sur le sol. Un bar allongé près cordu. Pardon? Un corps allongé près du bar. Mon Dieu, un meurtre. Mais qui est le meurtrier? Et qui est la victime? Ça alors? Un meurtrier à Bitbourg? J'ai du mal à le boire. Généralement, on dit « j'ai du mal à le croire, monsieur le maire ». Oh, excusez-moi, ma langue a torché. Ça m'arrive des fois. Plus court sur le dessus? Plus court. Alors c'est comme ça? C'est un porc et une truie du Périgord qui ont été assassinés? Il doit être triste. Il a d'autres animaux, vous savez. Ah ah, j'ai peur. Vous m'avez coupé l'oreille. Tenez, la voilà, elle était tombée par terre. Ce n'est pas mon oreille, c'est un chewing-gum. Ben, je sais pas, moi, mettez-la à la place de l'oreille. Mais quelle bête, je voulais juste en tailler, elle n'est pas tombée, hein. J'ai un peu mal tout de même. Bon, je réponds. Sois courageux, Peter. Que ta mère soit fière de toi. Allô? Peter, c'est Vincent. Il y a eu un autre meurtre chez Carole. Passez-moi, monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est Vincent David pour vous. Allô? Monsieur Vincent? Ah non, je m'appelle David, mon nom de famille c'est David, pas Vincent. Parlez plus fort, j'ai un chewing-gum dans l'oreille. Hein, quoi? Bah, il faut que vous veniez tout de suite chez Carole, là. Il y a eu un autre meurtre. Mais, que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas super mère. Si je tourne sur moi-même, je n'ai pas une combinaison rouge avec des collants et une cape. Et puis, s'il y a un mort, il est trop tard pour le sauver. Ça vous irait très bien, les collants. Merci. Vous avez des responsabilités dans cette ville. Vous devez venir. Eh bien, j'accouche. Quoi? Vous voulez peut-être dire « j'accours » Oh, ma langue a encore coché. Je veux dire « j'accours, Vincent ». Tenez les téléphones, mon cher Peter. Merci. Il a dit qu'il arrivait. Vous auriez pu utiliser mon téléphone, Vincent. Oh, je suis hyper content, Carole. J'ai réussi à composer un numéro avec le téléphone dans ma tête. C'est grand, non? Mais ça te fait pas mal de te démettre la nuque comme ça pour atteindre les touches avec ton lobe frontal? Ça craque. C'est bon quand ça craque. Arg! Ça alors, il est pas mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par... Arg? Argo? Argothérapie? Ergonomie? On dit agronomie, Rebecca. Oui, bon, c'est à lui qu'il faut le dire, pas à moi. Moi, je sais très bien qu'on dit agronormie. Oh. Je crois qu'il va effectivement dire ergonomie. Mais non, vous voyez pas qu'il souffre? C'est un homme comme vous et moi. Emmenons-le à l'hôpital. Ne serait-ce pas l'achever? Vous avez raison, laissons-le mourir ici, mais qu'il tâche pas mon parquet, hein. Oui, oui, oui, oui. Ah! C'est le Périsan, c'est le Périsan, reprenons-nous. Bonjour, Périsan. Abrousène la soif des cabernets, les gosiers. Tout gazer, la vois-tu pas là-bas? À qui? Aïe! À qui la vois-tu pas là-bas? Je sais pas, elle est peut-être au monsieur par terre. De quoi? La voiture qui garait devant, il demande à qui elle est. Peut-être au monsieur par terre? C'est ce dont je supposais. Bah, c'est moi, bois. Faut y étancher la soif. Très bien, je vous sers tout de suite un verre, Périsan. Et pour la victime de cette... de cette affreuse agression. Montez-le dans votre chambre. Je sais que tu ne me crois pas, Rebecca. Mais je t'affirme qu'il y a bien un meurtrier à Bitbourg. C'est ça, c'est ça. Tu prends les pieds, je prends la tête. T'es starout, ouais. Il dit que vous êtes hystérique, mademoiselle Rebecca. Je lui donne pas tort. J'ai taché mon chemisier. Bon, Vincent, tu prends la tête, je prends les pieds. Bah non, je vais tacher mon pull, ah non, ouais. Vincent? Il va mieux, monsieur Dumbo? Reprends à craire. Oui, je sais, monsieur, mais on dit agronomie. Alors, Périsan, du neuf? Oh, vous et moi, pas neuf. Très drôle. Tenez, votre verre. Je vous mets des cacahuètes avec ou sans sel? Boy, sel. Très bien. Alors, il est où ce cadavre? Il est en haut, monsieur le maire. Bonjour, monsieur son conseil. Oui, oui, Mero. Bonjour, Périsan. Comment va votre flamme? Votre femme, monsieur le maire, pas votre flamme. Monsieur son conseil, veuillez sucer de me reprendre ainsi. Alors, il est en haut, hein? Et de quoi est-il bien mort? Oh, il est pas bien mort, monsieur le maire, il est blessé. Mais pourquoi ne pas avoir appelé une ambulance? Nous avons un très bon hôpital ici, à Bitbourg. Et l'argent de la commune que nous avons dépensé pour le construire, ça ne serait pas trop vous demander que d'y emmener vos malades. Bah, c'est Vincent qui veut pas, je crois. Enfin, ils l'ont monté dans leur chambre pour le soigner. Je vous sers quelque chose? Oh! Eh bien, mon foie, oui! Ma foi! Ma foi, monsieur le maire! Tenez, tenez, v'là vos verres! À votre santé! Amen! C'est vrai que mon foie, vous pètez le feu, Périsan! On dit vous... Non. Non, rien, vous aviez raison, monsieur le maire. On dit bien... Vous mais lâchez-moi, lâchez-moi, je vais mieux! Monsieur le maire, enfin! Ah, monsieur Vincent! Bonjour, monsieur le maire! Bonjour, monsieur son conseil! Bonjour, Rebecca! Bonjour Vincent. Bonjour Carole. Bonjour Périsan. Hey, oui, Mero. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur son conseil. Bonjour à tous. Qui t'a dit de parler toi? Alors, et ce meurtre? Monsieur le maire, Carole, Rebecca, Périsan et monsieur son conseil. Monsieur son conseil municipal. Ouais, monsieur son conseil municipal. Excusez-moi, je sais qui est le meurtrier. C'est pas des conneries, je sais vraiment qui est le meurtrier. Bon. Lâchez-moi, je ne suis qu'un représentant. Oui, mais vous êtes le meurtrier. Oh. Êtes-vous sûr de vos allées Monaco, Vincent? Quoi? Vous vouliez peut-être dire allégation, monsieur le maire. Oui, bon, je supporte l'équipe que je veux, à ce que je sache. J'ai encore mon libre arbitre. Enfin bref, je suis sûr de ça, lorsque j'ai vu les papiers de ce monsieur. Je venais juste demander ma route, enfin. Et j'ai glissé sur le sol, je n'ai rien fait. Monsieur est représentant en masque. Qui mieux que lui pourrait approcher les gens sans que ces derniers ne s'en rendent compte? Qui mieux que lui pourrait approcher la truie et le cochon du Périsan? De plus, il avait ça sur lui. Un téléphone portable. Bien oui, vous n'en avez pas? Si, mais dans la tête. Bon d'accord, c'était pas drôle. Bah, qui a tué la truie? C'est le monsieur là qui a tué votre truie, Périsan. Boy, boy, boy, boy. Eh oui, je vous comprends. Bah, vous croyez que c'est un monsieur comme tout le monde, un représentant? Mais non, regardez. Vincent! Mon dieu! Il lui enlève le visage! Ce n'est qu'un masque. Regardez, c'est un banquier! On le reconnaît au visage ferme et sûr de lui! Mais veuillez arrêter ça tout de suite! Et vous croyez que c'est un banquier? En fait, non, c'est... Il lui enlève le visage à nouveau! C'est encore un masque. C'est un joueur de rugby. Ou un boxeur. On le reconnaît au nez cassé. Je ne faisais que tester mes masques! Et vous croyez réellement que c'est un joueur de rugby? Ou un boxeur au choix, ça dépend? Eh bien non! Il lui arrache la gueule! C'est le directeur du parc d'attractions! Autant que je m'en souvienne, on n'a jamais eu de parc d'attractions à Bigbourg. Bon, moi je me casse. C'est quoi cette ville de fous? Non, non, vous inquiétez pas. J'en trouverai mon chemin toute seule. Bande de bouseux! Dites-moi, monsieur son conseil municipal, est-ce que ceci risque d'être préjudiciable à notre tourisme? Je le pense, monsieur le maire. Monsieur David, je ne vous félicite pas. Oh, j'étais pourtant sûr. Mais alors, si ce n'était pas ce monsieur le meurtrier, qui a tué la truie et le porc? Bah, et toi la truie? Lâche-moi tout gazer par le pignou. Mais pourquoi, Périsan? Bah quoi, mon frère Saucifly? Avec la toile de cochon. C'était donc ça. De quoi? Je commence à en avoir marre. Je comprends jamais rien, moi. Le Périsan dit que c'est lui qui a tué la truie et le cochon. Mais pourquoi? Bah, comment il ferait son saucisson? Avec la truie et le cochon. Ça n'est pas possible. Si c'était lui, je n'aurais rien compris au téléphone. Rappelez-vous, chaque histoire de serial killer a ses règles. La première... Le tueur tue toujours de jeunes femmes à forte poitrine pour qu'elles crient. Et ça, ça l'excite. Jusque-là, j'ai rien à craindre. La seconde, jamais, au grand jamais, ne coucher avec une vierge. Je ne vois pas le rapport. Là, c'est pas pour moi non plus. Je suis Verseau. La troisième, celui qui fait un double a le droit de relancer les dés pour rejouer. Au bout de trois doubles, il va en prison sans passer par la caisse départ. Ce ne serait pas la règle du Monopoly plutôt? La quatrième, lorsque l'on croit avoir tué ou arrêté le tueur, il revient toujours. C'est moins bon, moins bien fait, mais ça fait gagner de l'argent. Quant à la dernière, jamais, au grand jamais, ne répondre au téléphone. Ah, j'oubliais également une chose très importante. Il ne faut pas jamais, non, jamais, leur donner à manger après minuit. Boy, boy, boy, boy, boy. Je vais avoir du mal à me souvenir de tout, moi. Ah ouais, non, ne répondez pas. Ne répondez pas. Vous croyez que c'est le tueur? Enfin, voyons, Carole. Il n'y a jamais eu de tueur à Bitbourg. Tout au plus, des gens commettant des choses très, très vilaines. Bonjour, je me suis permis d'entrer. Content de me voir. Mais qui c'est, lui? Peut-être un simple client du bar, non, Carole? Je ne sais pas. Veuillez décliner vos tons, prétons, rage et vieux de naissance, je vous prie. Mais enfin, vous me reconnaissez pas? Je suis la mort. C'est lui! C'est lui, je vous l'avais dit! Voyons, Carole, on était ensemble à l'école. Je suis Eugénie la mort. Eugénie? Oh mince alors! Autant que je m'en souvienne, ça faisait si longtemps que je m'en souviens plus trop d'ailleurs. C'était une de mes camarades de classe à l'école. C'est une femme? Avec cette voix-là, ce corps-là? Cette significative absence de ça? Je vous en prie, mademoiselle. Moi, je suis bien coiffé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis moche, c'est ça? Parce que si c'est ça... Mais pourquoi téléphoner aux gens comme ça et les menacer et... Je travaille à Bitbourg Telecom, j'avais en charge de vérifier le réseau. Mais je commence à en avoir marre, tout le monde me raccroche au nez et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes handicapé patronymiquement. Excusez-moi mademoiselle, comment vous vous appelez? Comment déjà? Rebecca, comment déjà? Pardon, je retiens un éclat de rire qui monte de mon ventre et je suis à vous. Mais vous voyez monsieur le maire, il n'y a jamais eu de meurtrier à Bitbourg. Tout s'explique. Vous auriez pu être plus poli tout de même. Excusez-moi, je dois toujours réprimer cet éclat de rire. Allez, c'est ma tournée, je suis tellement content de revoir Eugénie. Désolé de t'avoir accroché au nez tout à l'heure. C'est moi une autre, ma Carole. Oui, je vous en sers un aussi, père Isan. Tu vois, Vincent, tout est bien qui finit bien. C'est trop beau pour être vrai, Rebecca. C'est trop beau pour être vrai. Excusez-moi, je réponds. Allô? Bonjour, je suis Jean-Baptiste. Thank you.